Le feu de l'esprit. Les apôtres sont réunis autour de Jésus ressuscité. Quelle joie de le retrouver! Ce soir-là, au cours du repas, Jésus leur demande « Restez à Jérusalem et attendez l'Esprit Saint que le Père a promis de vous envoyer. » Revêtus de cette force d'en haut, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans tout le pays et jusqu'au bout de la terre. Après avoir dit cela, Jésus emmène ses apôtres sur le mont des Oliviers. Parvenu au sommet, Jésus se tourne vers ses amis et les bénit. Alors, il le voit s'élever vers le ciel, emporté dans une nuée où, bientôt, il disparaît. Soudain, deux anges aux vêtements blancs apparaissent aux apôtres et leur disent « Pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Jésus reviendra un jour, de la même façon que vous l'avez vu s'en aller. » Plein d'espoir, les apôtres redescendent de la colline et regagnent la ville. Ils se rassemblent avec Marie dans une maison où ils attendent en priant d'un seul cœur la venue de l'Esprit Saint. Quelques jours plus tard, alors que toutes les portes sont fermées, un grand bruit venu du ciel, comme un violent coup de vent, fait trembler toute la maison. Les apôtres voient des langues de feu se poser au-dessus de leur tête. L'Esprit Saint les envahit soudain. Ils n'ont plus peur. Une force nouvelle les pousse à aller dire au monde entier que Jésus est ressuscité. Sans attendre, Pierre, Thomas, Jean et les autres sortent dans la rue et, sous les yeux stupéfaits des passants, se mettent à parler en toutes sortes de langues. Incroyable ! Arabes, Égyptiens, Juifs, Grecs et Romains, tous comprennent dans leur langue ce que disent les apôtres. Certains se moquent. « Ils sont ivres ! Ils ont trop bu !» Mais Pierre répond d'une voix puissante. « Non, nous n'avons pas bu de vin. Dieu a répandu sur nous son Esprit Saint. » Et debout, il parle à la foule qui s'amasse de plus en plus nombreuse pour l'écouter. « Voici qu'aujourd'hui s'accomplit tout ce qu'avaient dit les prophètes. Jésus de Nazareth, qui a fait de grands miracles et que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité. C'est lui le Seigneur. Il nous envoie son esprit. Ceux qui croiront en lui seront sauvés. » Les paroles de Pierre touchent les cœurs. Beaucoup accueillent le message de Jésus et croient en lui. Ce jour-là, 3000 personnes sont baptisées. La mission des apôtres ne fait que commencer. Bientôt, ils s'en vont aux quatre coins de la terre porter cette bonne nouvelle.